بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. On se retrouve pour ce nouveau séminaire de l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, organisé par Markez al-Ghuraba waffaqahum Allah. 6 cours ont été accordé durant ce séminaire, voilà pourquoi j'ai décidé de prendre pour support un livre magnifique de Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, qui s'intitule Sittatu Mawadi' min as-Sirah, 6 extraits ou bien 6 passages de la vie du prophète alayhi salatu wassalam que le Cheikh a choisi afin de faire connaître à ses lecteurs la réalité de la religion de l'islam et ce qu'elle implique dans la vie de tous les jours. Car cette religion magnifique, qui est la clé du paradis, n'est pas et ne doit pas être seulement un sujet auquel on s'intéresse seulement ou qu'on y passe du temps seulement durant le temps qu'il nous reste de libre et qui en plus ne cesse de s'amenuiser au fur et à mesure. Au contraire, cette religion doit avoir la place principale dans notre vie, ce qui amènera forcément à des changements radicaux dans celle-ci. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons, et pour aller même plus loin, c'est ce qui s'est passé pour tous les prophètes et leurs suiveurs en tout temps et à toute époque. On commence inshallah. Qala al-Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah wa afa anhu amin. تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. Le Cheikh commence et nous invite à méditer sur 6 passages de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et de les comprendre de la meilleure des manières. Il nous appelle donc à méditer et à comprendre, et non pas seulement de lire comme on lirait une histoire. Et cela est valable pour tout ce qui touche à la religion, tel le Coran. Comme Allah nous le dit, Surat Sad, verset 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi. Traduction du sens des versets: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets. La lecture seule, même si elle est accompagnée de toutes les règles de tajwid, ne sera bénéfique que si elle est accompagnée de méditation, de compréhension et bien entendu d'action. Vous n'êtes pas sans savoir que le prophète alayhi salat wa salam nous a dit: Aktharu munafiqi ummati qurra'uha. La majorité des hypocrites de la communauté sont ses lecteurs, c'est-à-dire les lecteurs du Coran qui ne se sont contentés que de quoi? Que de donner le haqq, le droit aux hurufs, aux lettres, sans leur signification, malheureusement, qui est le plus important. Et cet appel à la méditation et à la compréhension est valable pour le Coran, mais est aussi valable pour tout ce qui touche à la religion, comme la lecture de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de gens la lisent sans que cela n'influe dans leur vie de tous les jours, ce qui prouve qu'il y a un énorme manquement quant à la compréhension des textes. Voilà pourquoi le cheikh dit juste après: La'allallaha an yufhimaka din al-anbiya'i litattabi'ah wa din al-mushrikina litatruka. Donc en méditant et en comprenant les six passages que le cheikh a choisi, rahmahullah ta'ala, il se peut qu'Allah t'accorde ce don d'avoir compris la religion des prophètes et pas seulement du prophète Mohammed alayhi salat wa salam, car tous les prophètes ont appelé au même message et ont subi les mêmes injustices de la part de leur peuple respectif. Donc, si tu comprends et tu médites sur la vie du prophète alayhi salat wa salam et le message auquel il a appelé, tu auras compris par cela le message par lequel a été envoyé tous les prophètes alayhi salat wa salam. Et comme le précise bien le shir, la'allallaha an yufhimaka din al-anbiya'i li tattabi'ah. Il ne faut pas comprendre pour comprendre, mais comprendre plutôt pour suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la mise en pratique, al-amalu bih. Et à l'inverse, comprendre la voie ou la religion des polythéistes, comprendre non pas pour la comprendre, mais pour s'en écarter. Donc, méditez et regardez bien les étapes par lesquelles on doit passer pour que la science que l'on apprend soit bénéfique. Il faut tout d'abord s'intéresser et lire et ne pas se contenter de cela, mais plutôt ensuite de méditer sur ce que l'on a lu et de le comprendre, ce qui est encore une étape supplémentaire. Et enfin, ne pas se contenter de cela, mais de passer à la mise en pratique. Comme vous le savez, beaucoup de gens parmi les communautés qui nous ont précédés ont appris la science et l'ont même compris, mais malheureusement, ils ne l'ont pas mise en pratique. Et à cause de cela, ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette science-là, au lieu de leur être bénéfique, leur a fait encourir au contraire un châtiment du Seigneur de l'univers. Et c'est cette science même, peut-être, qui sera la cause de leur entrée en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il existe aussi une autre catégorie parmi les gens qui nous ont précédés, qui n'ont pas compris la religion comme il se doit. Ils ont donc appliqué sans science, malheureusement, et ils se sont égarés par cela du droit chemin, qu'Allah nous en préserve aussi. Voilà pourquoi le shir dit tout de suite après: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. C'est-à-dire que la majorité de ceux qui se prétendent être dans la religion ou prétendent être parmi les monothéistes ne comprennent pas la sunna comme il se doit. Et ça, malheureusement, c'est un problème dans beaucoup de domaines. Beaucoup peuvent se prétendre musulmans, mais ils ne connaissent pas l'islam. Beaucoup peuvent se prétendre suivre la voie des salaf salih, des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, alors qu'ils ne connaissent pas cette voie. Allah al-musta'an. Et ce qui va différencier entre le vrai du faux sera la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, ou plutôt l'application de celle-ci. Ce ne sont donc pas les prétentions qui vont faire de toi quelqu'un qui est sur la vérité, mais plutôt le fait de suivre scrupuleusement cette religion magnifique qu'est l'islam. En résumé, le shirk va nous évoquer 6 événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, des événements qui sont peut-être connus pour la plupart d'entre nous, mais malheureusement on ignore, ou bien plutôt on fait semblant d'ignorer ce que cela doit impliquer dans la vie de tous les jours. Wallahu al-musta'an. Le shirk commence et dit: Al-mawdi'u al-awwal qissatu nuzuli al-wahyi wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allah biha ya ayyuha al-muddathir qum fa'anzir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. Premier événement de la vie du prophète alayhi salam, le début de la révélation. Et comme vous le savez, les premiers versets descendus sur notre prophète alayhi salatu salam sont Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et par ces versets, Mohammed alayhi salatu salam est devenu un prophète. Et c'est suivi ensuite la révélation de Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir. Et par ces versets-là, Mohammed alayhi salatu salam est devenu un envoyé, c'est-à-dire qu'il doit transmettre la religion à son peuple. Allah lui a dit donc, dans le sens de la traduction des versets, « Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. » De quoi le prophète alayhi salatu wassalam doit-il avertir son peuple? Beaucoup de choses ont été évoquées par les savants spécialisés de la science du Coran. Certains ont dit qu'il fallait avertir contre tout le mal, car le fait qu'Allah n'évoque pas la chose à laquelle on doit avertir prouve que cela englobe toutes les choses mauvaises. Certains ont dit à travers d'autres versets qu'il fallait avertir contre le châtiment, comme dans le verset Sourate Al-Kahf où Allah dit قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهِ. Une sourate que beaucoup récitent le jour du vendredi, donc c'est le verset 2. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition. Et certains savants, et c'est le cas de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a interprété cela en disant qu'il fallait avertir contre le shirk, comme dans Uthul Thalasa, où il a dit قُمْ فَأَنْذِرْ أَيْ عَنِ الشِّرْكِ, yani averti contre l'association. Et toutes ces explications sont justes et bonnes. Il faut juste savoir concilier entre elles. Le fait qu'Allah ordonne d'avertir, bien sûr, il faut avertir contre tout mal. Mais le plus grand mal, c'est quoi? C'est l'association. Comme le dit le Cheikh Mohammed Ibn Al-Haib dans l'Usul Thalatha, وَأَعْظَمْ مَنَهَ اللَّهُ عَنْهُ الشِّرْكِ. C'est-à-dire la chose la plus grave qu'Allah a interdit est l'association. Il en est de même pour ceux qui ont interprété qu'il fallait mettre en garde contre le châtiment. La chose qui ramène en enfer éternel, c'est même la seule chose qui ramène la personne en enfer éternellement sans espoir de rentrer au paradis, c'est bien l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk, c'est-à-dire l'association, est donc bien la première chose par laquelle doit commencer le musulman à mettre en garde ses proches. Le shirk qui est le plus grave des péchés. Voilà pourquoi cela a été la première chose à laquelle les prophètes ont averti leur peuple. En commençant par leur premier envoyé qui est Nuh, alayhi salam, dans sourate Nuh 71. Au début de la sourate, où Allah nous dit « Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir » Nous avons envoyé Noé vers son peuple, avertis ton peuple. Donc quel a été son avertissement? Le verset 3 « Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un » Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Il les a avertis donc d'adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et ils ont malheureusement refusé son message, car comme Allah nous a raconté dans cette même sourate, verset 23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Nuh les a donc appelés à adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala, et les a mis en garde contre l'association, et eux de répondre qu'ils n'abandonneront jamais leur divinité, Wallah musta'an. Et il en est de même pour le prophète Hud, où Allah nous raconte, surat al-Ahqaf 46, verset 21, « وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ » Et rappelle-toi le frère d'Aad, c'est-à-dire Hud, quand il avertit son peuple, qu'est-ce qu'il leur a dit ?« N'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Il les a mis donc en garde contre l'association, car ils mènent sans aucun doute à une grande perdition et à un châtiment douloureux. Tous les prophètes et envoyés ont donc averti leur peuple contre l'association. Et c'est même la première chose à laquelle ils les ont avertis. Pourquoi cela? On le répète, car le shirk est la pire des injustices. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Si la personne meurt sans s'en être repentie, c'est le seul péché qui annule toutes les bonnes actions et c'est le seul péché qui mène éternellement en enfer. Et les preuves de tout cela, la parole d'Allah, surat Nisa 4, verset 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Ensuite, sourate Zumar 39 verset 65. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk. En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul. Et enfin, surat al-Ma'ida 5, milieu du verset 72. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Tous ces versets prouvent donc la gravité du shirk et prouvent aussi que c'est la chose par laquelle a débuté les prophètes, alayhi salatu wassalam, leur message. Revenons maintenant à la parole du Cheikh rahimahullah et méditons sur son argumentation. Le Cheikh dit: فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَعْرِفُونَ أَنَّهَا مِنَ الظُّلْمِ. Le Cheikh nous explique qu'il faut que tu saches que les polythéistes à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam faisaient des péchés autres que le shirk. Il faisait par exemple des choses qu'il savait qu'elles étaient de l'injustice, comme l'adultère, etc., etc. Mais il faisait en parallèle de cela, comme le dit le shirk, وَعَرَفْتَ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ. C'est-à-dire qu'ils pensaient se rapprocher d'Allah à travers certaines adorations. Malheureusement, des adorations qui ont été entachées par l'association. Ils pensaient bien faire. Malgré cela, regardez ce qu'on a conclu le shirk. Il dit فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. Le prophète عليه الصلاة والسلام les a donc mis en garde, non pas contre des choses dont il savait qu'elles étaient interdites, comme le vol, l'adultère, etc. Mais Allah lui a ordonné quoi ? De commencer à mettre en garde contre des choses que son peuple faisait et pensait que cela les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, et selon leurs prétentions, ils adoraient autre qu'Allah, que ce soit des pieux ou des prophètes ou des anges. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient à travers cela ? Ils cherchaient à travers cela leur intercession, ou bien le fait de se rapprocher d'Allah comme eux-mêmes l'ont prétendu. Le prophète les a donc mis en garde contre des choses où ils pensaient bien faire, où ils pensaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas commencé sur des choses où il y avait une base commune, où tout le monde sait que c'est interdit. C'est pour cela le shirk dit وَمَعَ هَذَا بَدَأَ بِالْإِنْذَارِ عَنْهُ فِي أَوَّلِ آيَةٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ بِهَا فَإِنْ أَحْكَمْتَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيَا بُشْرَاكِ. C'est-à-dire que malgré le fait que les polythéistes pensaient faire le bien, cela n'a pas empêché le prophète alayhi salatu wa salam de commencer sa da'wa en les avertissant de cet acte dont il pensait qu'il allait être bénéfique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas commencé sa da'wa en les mettant en garde contre des choses dont il savait qu'elles étaient néfastes. Voilà l'argumentation excellente du shir, rahimahullahu ta'ala. C'est pour cela qu'il conclut et il dit « فَإِنْ أَحْكَمْتَ هَذِي الْمَسْأَلَةِ » Si tu as bien compris cette question, Faya Bushrak, tu auras une bonne nouvelle. La nouvelle d'avoir compris la da'wa des prophètes, alayhim salat wa salam. Voilà la théorie qui a pu être comprise par la majorité d'entre nous. Qu'en est-il maintenant de la pratique ? Mettons-nous en garde contre le polythéisme et contre l'athéisme ? Avons-nous compris la gravité de cet énorme péché? Péché qui, comme on l'a dit, Allah ne pardonne pas? Ou bien plutôt, nous sommes effrayés par des péchés qui sont bel et bien graves, mais qui sont moindres par rapport au polythéisme, tels les appels à la théorie du genre, ou tout autre appel à la débauche, wallah al-musta'an. Beaucoup de gens, parmi la masse des musulmans, se sont révoltés à juste titre face à ces appels au changement dans la création d'Allah. Par contre, nous les avons moins entendus quand il s'agissait de faire face au polythéisme ou bien à l'athéisme. Ils ont même cohabité avec eux sans que cela ne pose un grand problème, et cela prouve qu'il y a un manque de compréhension dans la religion. Et cela est valable aussi pour ceux qui s'autoproclament du'at ila Allah, yani ceux qui appellent à l'islam dans ces pays-là, et qui l'on voit qu'ils ne parlent pas beaucoup des méfaits du polythéisme et de l'athéisme et ne suivent pas la voie du prophète alayhi salat wa salam dans cela. Le shikh a dit, rahimahullah, que le prophète alayhi salat wa salam a commencé sa da'wa en mettant en garde contre l'association. Toutes sortes de péchés y étaient répandus, mais Allah de lui ordonner de commencer par la mise en garde contre le shirk, le pire des péchés. Et ensuite le tir de dire خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. Le Sheikh continue son argumentation et dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a commencé son appel à l'islam par la mise en garde contre le shirk. Et il n'a pas parlé de la prière, qui est pourtant le deuxième pilier de l'islam et qui est donc la chose la plus importante après l'appel à l'unicité d'Allah. Et pourtant, il n'en a parlé, alayhi salatu wassalam, de la prière qu'après s'être fait torturer lui et ses compagnons, radiyallahu anhum, et qu'après que certains parmi eux n'ont trouvé de solution que d'émigrer en Abyssinie, qui à cette époque-là était une terre chrétienne, mais qui était une terre juste, afin de se préserver des méfaits des polythéistes à la Mecque, wallahu al-musta'an. Et ensuite, le shir de continuer de dire « فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الْكَثِيرَ وَالْعَدَى وَالْبَالِغَ » كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. La conclusion du Sheikh rahimahullah est qu'il faut savoir que le prophète alayhi salat wa salam et ses compagnons ont souffert des méfaits des polythéistes de la Mecque que parce qu'ils ont mis en garde contre l'association. Donc ce n'est pas parce qu'ils priaient. Mais c'est à partir du moment où ils ont commencé à mettre en garde contre le shirk, l'association, et à les critiquer, de là a commencé la torture. Et je vous invite pour cela à lire une partie de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, où on y trouve par exemple que d'après le Bukhari, rahimahullah, dans le hadith de Urwa, j'ai demandé à Abdullah ibn Amr de me citer le plus mauvais acte commis par les païens au prophète alayhi salatu wassalam et lui de raconter et de dire alors qu'il priait alayhi salatu wassalam à Al-Hijr, yani c'est une partie, c'est un endroit dans la Kaaba. Uqba, qu'est-ce qu'il a fait ? Arriva et essaya de l'étrangler en passant son vêtement autour du cou. Et là, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu se précipita, l'attrapa par l'épaule et le repoussa loin du prophète alayhi salatu wassalam en disant « Tuez-vous un homme car il dit mon Seigneur est Allah ». Et les hadiths qui rapportent les méfaits qu'ont fait subir les polythéistes de la Mecque au prophète alayhi salatu wassalam et à ses compagnons radiyallahu anhum sont très nombreux. La conclusion, où veut en venir le shirk rahimahullah, on résume. Le shirk va évoquer six événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Ces six événements afin que l'on comprenne qu'est-ce que la religion de l'islam, la religion de tous les prophètes. Qu'on la comprenne enfin afin de se différencier de ceux qui n'ont pas appris leur religion et qu'on la mette en pratique en fonction de ce qu'on a appris pour se différencier de ceux qui ont appliqué malheureusement la religion sans science, si ce n'est en suivant leurs ancêtres, que ce soit leurs parents ou leurs grands-parents ou la religion de leur pays d'origine, etc. etc. Le premier événement que le Sheikh a évoqué est que la première chose à laquelle a appelé le prophète alayhi salatu wassalam est la mise en garde contre l'association, qui est le pire des péchés. Il n'a pas appelé ou il n'a pas focalisé sa da'wa sur le fait de mettre en garde contre l'adultère, contre le vol, contre le crédit, l'intérêt usuraire, etc. etc. Mais il a commencé sa da'wa malgré le fait que tous les péchés étaient présents, il a commencé par la chose la plus importante. Il a même retardé l'appel à la prière 10 ans après. 10 ans après. Alors que tout le monde sait que la prière est le deuxième pilier de l'islam et qu'il n'y a pas plus important après l'unicité que la prière, et malgré cela, son obligation est venue que tardivement. Ce qui prouve que tout ce qu'a subi le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons n'a été dû que suite à leur mise en garde contre l'association, c'est-à-dire le fait de vouer des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, prétendant en plus sournoisement que cela était dans le but de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, ou bien même de chercher l'intercession de ceux qu'ils adoraient, excuses qui ont été totalement annulées par le Seigneur de l'univers. Voilà pour ce premier événement de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, où le shir souligne que tous les musulmans doivent commencer par la base, c'est-à-dire l'appel à l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, car lui seul la mérite. Tous les autres péchés, aussi graves soient-ils, n'atteignent pas la gravité de l'association. On s'arrête ici, inshallah, pour aujourd'hui. Et demain, on va évoquer le deuxième événement de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك